demande si je kiffe le paradis. Ma parole dans ma famille, pas un parodie. C'est de la merde, ou que ça ne vous paradis. J'ai peut-être le là-haut parmi les anges. Les engins, les gens âgés, les jeunes. Entre nous que des frangins, des souris qui pour rien ne sourit. Notre but qui te pourrit, la vie est pour rire. Dis à ses copines, j'aimerais le voir pourrir. Je préfère rester seul qu'un fils de pute, putain me saoule. J'ai fait ma vie ayant compris qu'on m'a frappé du mauvais oeil. J'ai beau chercher, je trouve pas le bonheur. La bonheur peut finir bannir et à tout moment, même jusqu'à Bala. Sacré à fond, merde, donc je m'en fous, faut dire que c'est fou. Mais je garde la foi, toutefois il faut. Inch'Allah, je trouverai la fille qui m'éloignera. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moi, je pointe sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moi, je pointe sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Un rêve de gosse, une garce de vie, une envie féroce de survie. À présent, c'est survivre et devenir trop cher. Une vie mise aux enchères, la mort on t'abise pour pas cher. Dans les tchécars, on se couche par terre. Y'a plus de bagarre, c'est la guerre. Pour un regard, les gars dentaires autour de toi, les poches pleurent à croire qu'on a plus le droit de rêver. Le bonheur, peu de gens y pensent, y'en a pas. Faut pas que t'en crèves, faut que tu te relèves. Tant que le cœur bat, continue le combat. Range ta rancœur, tu n'es seul, tu restes seul. De toute façon, personne viendra te sauver. Un œil pour voir, l'autre pour pleurer. Hélas, c'est tout ce qui me reste. Je m'en suis rendu compte, cette salope de vie me déteste. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moi, je pointe sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moi, je pointe sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Éviter les pièges pour garder sa part, on évite, on ne voit pire. Garder des bons rapports, éviter les faux départs pour bien partir. 19, puis j'ai compris. La vie était une putain, qu'il fallait que je baise avant qu'elle faisait son gratté de butin. Et si c'est pas la peine qu'on vit, surtout d'arrêter ce qu'on voit. Mais si j'avais, j'aurais déjà quitté cette ville. Vivre comme un roi, m'installer à Rio, rire ne bouffer que du Rio. Matin, rester stable sur le mic pour que les gens m'attendent. Quoi qu'on cherche, courir après une chose qui coûte trop cher chez nous, se nourrir de rêves. C'est la mort sur qu'on en crève, c'est sans remords. Même si parfois y'en a marre, c'est pour ma merci. Je lutte et si ça marche ainsi, c'est pas le succès qui fera que ça passera. Et si ça casse, ça cassera. 20 piges passées à jouer les passeras. Tout ça pour se tracer un contraste, c'est con. Triste réalité d'une vie où l'on ne fait pas ce qu'on veut, où l'on ne veut pas de ce qu'on a. Alors on fait ce qu'on peut, on essaye d'agir pour le mieux. On joue à des jeux dangereux, oubliez tous les dangers, coûte que coûte. Faut bien manger le bonheur, laisser de côté, s'en sortir, finir en beauté. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moi, je pointe sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moi, je pointe sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moi, je pointe sur mon front. Je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moche pointé sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moche pointé sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moche pointé sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moche pointé sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Laisse-moi lâcher une dernière larme. L'apocalypse est proche, c'est moche pointé sur mon front. Lâche ton arme, je le ferai pas, je suis pas une cloche. Let's go.